Nouvelle dixième, Griselidis ou la femme éprouvée. Un des plus illustres et des plus célèbres descendants de la maison de Saluces fut un nommé Gautier. Sans femme, sans enfant, et n'ayant aucune envie de se marier ni d'avoir des héritiers, il employait son temps à la chasse. Cette façon de penser de vivre déplaisait fort à ses sujets. Ils le supplièrent si souvent et si vivement de leur donner un héritier, qu'il résolut de céder à leurs prières. Ils lui promirent de lui choisir une femme digne de lui par sa naissance et ses vertus. « Mes amis, leur dit-il, vous voulez me contraindre de faire une chose que j'avais résolu de ne faire jamais, parce que je sais combien il est difficile de trouver dans une femme toutes les qualités que je désirerais, et qui établirait la convenance entre deux époux. Cette convenance est si rare qu'on ne la trouve presque jamais. Et combien doit être malheureuse la vie d'un homme obligé de vivre avec une personne dont le caractère n'a aucun rapport avec le sien. Vous croyez pouvoir juger des filles par leur père et mère, et d'après ce principe, vous voulez me choisir une femme. C'est une erreur. Car comment connaîtriez-vous les secrets penchants des pères et surtout ceux des mères? Et quand vous les connaîtriez, ne voit-on pas ordinairement les filles dégénérées? Mais puisqu'enfin vous voulez absolument m'enchaîner sous les lois de l'hymen, je m'y résous. Mais pour n'avoir à me plaindre que de moi, si j'ai lieu de m'en repentir, je vais moi-même choisir mon épouse, et quelle qu'elle soit, songez à l'honorer comme votre dame et maîtresse, où je vous ferai repentir de m'avoir sollicité à me marier, lorsque mon goût m'en éloignait. » Les bonnes gens lui répondirent qu'ils pouvaient compter sur eux pourvu qu'il se mariât. Depuis quelque temps, le marquis avait été touché de la conduite et de la beauté d'une jeune fille qui habitait un village voisin de son château. Il imagina qu'elle ferait son affaire, et sans y réfléchir davantage, il se décida à l'épouser. Il fit venir le père et lui communiqua son dessein. Le marquis fit ensuite assembler son conseil et les sujets voisins de son château. « Mes amis, leur dit-il, il vous a plu, et il vous plaît encore, que je me résolve à prendre femme. Je suis tout déterminé à vous donner cette satisfaction, mais songez à tenir la promesse que vous m'avez faite d'honorer comme votre dame la femme que je prendrai, quelle qu'elle fût. J'ai trouvé une jeune fille assez près d'ici qui est de mon goût. C'est la femme que je me suis choisie. Je dois l'amener sous peu de jours dans ma maison. » « Préparez-vous à la recevoir honorablement, afin que je sois aussi content de vous que vous le serez de moi. » L'assemblée, à cette nouvelle, fit paraître sa joie, et tous répondirent qu'ils honoreraient la nouvelle marquise comme leur dame et maîtresse. Dès ce moment, le seigneur et les sujets ne songèrent plus qu'aux préparatifs des noces. Le marquis fit inviter plusieurs de ses amis et de ses parents et quelques gentilshommes d'alentour. Il fit faire sur la taille d'une jeune fille, qui avait à peu près la même que sa future, des robes riches et belles, prépara anneaux, ceinture, couronne, enfin tout ce qui est nécessaire à une jeune mariée. Le jour pris, indiqué pour les noces, sur les 9 heures du matin, le marquis monta à cheval avec toute sa compagnie. « Messieurs, dit-il, il est temps d'aller chercher l'épousée. » On part, on arrive au village où elle demeurait. Quand on fut près de la maison qu'elle habitait avec son père, on la vit qui revenait de chercher de l'eau et qui se hâtait afin de voir passer la nouvelle épouse du marquis. Dès que celui-ci la vit, il l'appela par son nom, Griselidis, et lui demanda où était son père. « Monseigneur, répondit-elle en rougissant, il est à la maison. » Le marquis descend alors de cheval, entre dans la pauvre chaumière et trouve le père qui s'appelait Jeannot. « Je suis venu, lui dit-il, pour épouser ta fille Griselidis, mais je veux avant tout qu'elle réponde devant toi à quelques questions que j'ai à lui faire. » Alors il demanda à la jeune fille si, lorsqu'elle serait son épouse, elle s'efforcerait toujours de lui plaire, si elle saurait conserver son sang-froid, quoi qu'il fît ou qu'il dît, si enfin elle serait toujours obéissante et docile. Un oui fut la réponse de toutes ces demandes. Le marquis la prit alors par la main, la conduisit dehors en présence de la compagnie, la fit dépouiller nue et la revêtit ensuite des superbes habillements qu'il avait fait faire, puis il plaça sur ses cheveux épars une brillante couronne. « Messieurs, dit-il, au spectateur surpris, voilà celle que je veux pour épouse, si elle me veut pour mari. » Et se tournant vers elle, « Griselidis, me veux-tu pour mari ?»« Oui, monseigneur, si telle est votre volonté, » répondit-elle. Il l'épousa ensuite, la conduisit en grande pompe dans son château, où les noces furent faites avec autant de magnificence que s'il eût épousé une fille du roi de France. La jeune épousée sembla changer de mœurs avec la fortune. Elle était, comme je l'ai déjà dit, belle et bien faite. Elle devint si aimable, si gracieuse, qu'elle paraissait plutôt être la fille de quelque grand seigneur que du pauvre Jeannot. Elle étonnait tous ceux qu'il avait connus dans son premier état. Elle était d'ailleurs si obéissante à son mari, et avait tant d'attention pour prévenir ses moindres désirs, qu'il était le plus content et le plus heureux des hommes. Elle avait su se concilier si bien l'affection des sujets du marquis, qu'il n'y en avait pas un qui ne l'aimât comme lui-même, qui ne l'honorât, et qui ne prie à Dieu pour son bonheur et sa prospérité. Tous convenaient que si les apparences avaient déposé contre la sagesse du marquis, l'événement prouvait qu'il avait agi en homme habile et prudent, et qu'il lui avait fallu la plus grande sagacité pour découvrir ainsi le mérite caché sous des haillons et des habits villageois. Le bruit de ses vertus se répandit en peu de temps, non seulement dans ses terres, mais bien loin au-delà, et son empire était tel qu'elle avait effacé les fâcheuses impressions que les fautes de son mari avaient faites sur les esprits. Au bout de quelque temps, elle devint enceinte et accoucha heureusement d'une fille au terme prescrit par la nature. Le marquis en eut une grande joie, mais par une folie qu'on ne conçoit pas, il vint en tête de vouloir, par les moyens les plus durs et les plus cruels, éprouver la patience de sa femme. Il employa d'abord les invectives, lui disant que sa basse extraction avait indisposé tous ses sujets contre elle, et que la fille dont elle venait d'accoucher ne contribuait pas peu à lui aliéner les esprits et entretenir les murmures, parce qu'on aurait désiré un héritier. À ses reproches, sans changer de visage ou de contenance, « Monseigneur, lui disait-elle, faites de moi ce que vous croirez que votre honneur et votre repos vous ordonnent. Je ne murmurerai pas, sachant que je vaux beaucoup moins que le moindre de vos sujets, et que je ne méritais en aucune manière la glorieuse destinée à laquelle vous m'avez élevé. » Cette réponse plut au marquis, qui vit que les honneurs que lui et ses sujets avaient rendus à sa femme ne l'avaient point enorgueilli. Quelque temps s'était écoulé après cette scène. Il avait parlé, sans paraître avoir de dessein particulier, de la haine que ses sujets portaient à sa fille. Après avoir ainsi préparé sa femme, il lui envoya, au bout de quelques jours, un domestique qu'il avait instruit de ce qu'il devait faire. « Madame, dit celui-ci d'un air désolé, si je veux conserver la vie, il faut que j'exécute les ordres de Monseigneur. Il m'a commandé de prendre votre fille. » Il dit et se tut. À ce discours, au triste maintien de celui qui le prononce, se rappelant surtout ce que son mari lui avait dit, elle croit qu'il a ordonné la mort de sa fille. Quoique dans le fond du cœur elle ressentît les douleurs les plus vives, cependant, sans émotion, sans changer de visage, elle prend sa fille dans son berceau, la baise, la bénit, et la remet entre les mains du serviteur. « Fais-lui, dit-elle, ce que ton maître et le mien t'a commandé. Je ne te demande qu'une grâce, c'est de ne pas laisser cette innocente victime exposée à la rapacité des animaux carnassiers et des oiseaux de proie. » Le domestique, chargé du fardeau qu'elle lui avait remis, va rendre compte au marquis du message. Celui-ci admira beaucoup le courage et la constance de sa femme. Il envoya sa fille par ce même homme à Bologne à une de ses parentes, la priant de l'élever avec grand soin, sans dire à qui elle appartenait. Griselidis devint grosse une seconde fois et accoucha d'un fils, ce qui combla de joie le marquis. Mais les épreuves qu'il avait faites, ne lui suffisant pas encore pour le tranquilliser, il employa, comme auparavant, les reproches et les invectives, et il eut soin de les assaisonner de plus d'aigreur et de violence. Le visage enflammé d'un fin courroux, « Depuis que tu as couché de ce fils, dit-il un jour à sa femme, il ne m'est pas possible de bien vivre avec mes sujets. Ils sont humiliés que le petit-fils d'un paysan doive être un jour mon successeur et leur maître. Si je ne veux qu'ils portent leur indignation plus loin, et qu'ils ne me chassent de l'héritage de mes pères, il faut que je fasse de ton fils ce que je fais de ta fille, et qu'enfin je brise les liens de notre mariage pour prendre une femme plus digne du rang où je t'ai élevé. » La princesse l'écouta avec une patience admirable et ne se permit que cette réponse. « Monseigneur, contentez-vous, faites ce que bon vous semblera, et n'ayez aucun égard à ma situation. Rien au monde ne m'est plus cher que ce qui peut vous l'être. » Bientôt après, le marquis envoya prendre son fils comme il avait fait de sa fille, et feignant de l'avoir fait tuer, il l'envoya à Bologne, dans la même maison qu'habitait sa sœur. Griselidis, quoique très sensible, opposa autant de fermeté à cette épreuve qu'à la première. Le prince, au comble de l'étonnement, était persuadé qu'il n'y avait aucune autre femme capable de tant de courage, et il eut pris ce courage pour de l'indifférence, s'il eût connu d'ailleurs l'amour de cette mère pour ses enfants. Ses sujets, qui n'imaginaient pas que la mort de ces petites créatures fût un jeu, donnaient toute leur haine au marquis et toute leur pitié à la marquise. Cette infortunée dévorait ses chagrins sans se plaindre, et quoiqu'elle se trouvât continuellement avec des femmes qui blâmaient hautement la conduite de son mari, il ne lui échappa jamais le moindre reproche. Cependant, ce prince bizarre n'était pas encore content. Il crut devoir mettre la patience de sa femme à la dernière épreuve. Il dit à plusieurs de ses parents qu'il ne pouvait plus souffrir Griselidis et qu'il sentait bien qu'il avait fait une démarche de jeune homme étourdi en l'épousant, et qu'il allait tout tenter auprès du pape pour obtenir la cassation de son mariage et la permission d'en contracter un autre. Quelques honnêtes gens eurent beau lui remontrer l'injustice de son procédé, il ne leur répondit autre chose, sinon qu'il était résolu d'exécuter son projet. La marquise, instruite du malheur qui la menaçait, imaginant qu'elle serait obligée de retourner dans la maison de son père et d'y reprendre les occupations rustiques de sa jeunesse, qu'une autre posséderait celui qui avait tout son amour, était intérieurement dévorée du plus cuisant ennui. Elle se disposa cependant à soutenir cette nouvelle injure de la fortune avec la même tranquillité apparente qu'elle avait soutenu les autres. Peu de temps après, le marquis fit apporter une fausse dispense, comme si on la lui envoyait de Rome, et fit entendre à ses sujets que par cet écrit, le pape lui donnait la permission d'abandonner Griselidis et de prendre une autre femme. Il fit venir l'infortuné qu'il tourmentait, et en présence de plusieurs personnes. « Femme, lui dit-il, par la permission que notre Saint-Père, le pape, m'a donnée, je puis prendre une autre épouse et te laisser là. Parce que mes ancêtres ont été gentilshommes et seigneurs du pays où les tiens n'ont été que simples laboureurs, tu ne peux plus être ma moitié. Trop de disproportion est entre nous. Je veux que tu retournes dans la maison de ton père avec ce que tu m'apporteras en mariage. J'ai trouvé celle qui doit te remplacer et qui me convient mieux que toi, à tous égards. » À cette terrible sentence, Griselidis s'efforça de retenir ses larmes, chose assez extraordinaire dans une femme, et répondit ainsi. « Monseigneur, j'ai toujours très bien senti l'immense disproportion de la noblesse de votre état à la bassesse du mien. Ce que j'étais à votre égard, je l'ai toujours regardé comme une faveur spéciale de la Providence et de vos bontés, et non comme une chose dont je fusse digne. Puisqu'il vous plaît maintenant de reprendre ce que vous m'avez donné, je dois vous le rendre avec soumission et avec la reconnaissance de m'en avoir jugé digne au moins pour quelque temps. Voici l'anneau avec lequel je fus marié, prenez-le. Quant à ma dot, je n'aurai pas besoin de bourse ou de bête de somme pour la remporter. Je n'ai point oublié que vous m'avez prise nue, et s'il vous semble honnête que ce corps qu'a porté deux de vos enfants soit exposé à tous les regards, je m'en retournerai nue. Et si vous daignez accorder quelque prix à ma virginité, qui fut ma seule dot, souffrez que je sois du moins couverte d'une chemise. » Le marquis était attendri, mais voulant remplir son dessein, « Eh bien, sois, remporte une chemise, » lui répondit-il, d'un visage courroucé. Tous les spectateurs de cette scène le suppliaient de lui donner au moins une robe, afin qu'on ne vît pas dans un état si misérable la même personne qui avait joui, pendant 13 ans, du titre de son épouse. Mais leurs prières furent inutiles. Cet infortuné, après avoir fait ses adieux, sortit du château avec une simple chemise, sans coiffure, sans chaussures, et se rendit ainsi à la chaumière de son père. Tous ceux qui la virent passer dans cet état humiliant l'honorèrent de leur compassion et de leurs larmes. Le malheureux père, qui jamais n'avait pu s'imaginer que sa fille devint la femme du marquis, avait toujours craint ce qu'il voyait arriver et avait conservé les habits qu'elle portait lorsqu'elle était simple bergère. Il les lui donna, elle s'en revêtit. Elle se livra, selon son ancienne coutume, aux travaux domestiques, soutenant avec une fermeté inébranlable les assauts de la fortune ennemie. Le marquis fit ensuite entendre à ses sujets qu'il allait épouser une fille d'un des comtes de Pagano. Il fit faire tous les apprêts d'une noce magnifique et appela Griselidis chez lui. « La nouvelle épouse que j'ai prise, lui dit-il, doit arriver dans peu de jours. Je vais l'accueillir honorablement à cette première entrevue. Tu sais que je n'ai personne chez moi capable d'arranger les appartements et de préparer beaucoup d'autres choses nécessaires pour une pareille fête. Toi, qui connais mieux que tout autre les meubles de la maison, fais, arrange, dispose, ordonne. Invite toutes les dames qui te conviendront et reçois-les comme si tu étais encore la maîtresse du logis. Les noces finies, tu t'en retourneras dans la chaumière de ton père. » Quoique toutes ces paroles fussent comme un coup de poignard dans le cœur de Griselidis, qui n'avait pu oublier son amour comme elle avait oublié son ancienne fortune. « Monseigneur, répondit-elle, cependant, je suis prête à faire ce que vous ordonnez. » Elle entra avec ses pauvres habits de village dans cette maison, d'où naguère elle était sortie en chemise. Elle frotta, balaya les appartements, prépara la cuisine, enfin se prêta à tout ce que la dernière servante de la maison aurait pu faire. Elle invita ensuite plusieurs dames de la part du marquis. Le jour de la fête venue, elle reçut toute la compagnie dans son costume villageois avec un visage joyeux et content. Le marquis, qui avait étendu avec une vigilance vraiment paternelle ses soins sur l'éducation de ses enfants et qui les avait confiés à une de ses parentes, que le mariage avait fait entrer dans la maison des comtes de Pagano, les fit venir tous deux. La fille atteignait sa 13e année. Jamais on n'avait vu une beauté si parfaite. Le fils n'était encore âgé que de 6 ans. Le gentilhomme, qui conduisait cette petite famille, était chargé de dire qu'il amenait la jeune fille pour la marier au marquis, et on lui avait recommandé le silence le plus profond sur le secret de sa naissance. Il fit tout ce dont on l'avait prié. Il arriva à l'heure du dîner avec une nombreuse compagnie. Il trouva les avenues remplies des paysans du marquisat et des environs qui s'empressaient pour voir la nouvelle mariée. Les dames reçurent celle-ci. Griselidis elle-même vint dans la salle où les tables étaient mises sans avoir changé d'habit pour la saluer et lui dit « Soyez la bienvenue ». Les dames qui avaient longtemps prié le marquis mais en vain que cet infortuné ne parut pas ou qu'elle parut dans un habit plus décent s'étant mise à table, ont servi. Les regards de tous les convives étaient tournés sur la jeune fille et chacun était obligé de convenir qu'il n'avait pas perdu au change. Griselidis surtout l'admirait et partageait son attention entre elle et son frère. Le marquis, qui crut enfin avoir éprouvé assez la patience de sa femme, voyant que la nouveauté des objets ne pouvait lui faire changer de contenance, sachant d'ailleurs que cette espèce d'insensibilité ne venait pas d'un défaut de bon sens, pensa qu'il était temps de la tirer de la peine où elle était sans doute, quoiqu'elle affectât beaucoup de tranquillité. C'est pourquoi, l'ayant fait venir en présence de toute la compagnie, « Que te semble, lui dit-il, de la nouvelle épousée ? Monseigneur, je ne puis en penser que beaucoup de bien. » Si elle a, comme je n'en doute pas, autant de sagesse que de beauté, vous verrez avec elle le plus heureux du monde. Mais je vous demande une grâce, c'est de ne point lui faire essuyer les reproches piquants que vous avez prodigués à votre première. Je doute qu'elle pût les soutenir aussi bien, attendu qu'elle a été élevée délicatement, tandis que l'autre avait éprouvé les peines et les travaux dès sa plus tendre enfance. Le marquis, voyant Griselidis fermement persuadée de son nouveau mariage, la fit asseoir à côté de lui. « Griselidis, lui dit-il, il est temps que tu recueilles le fruit de ta longue patience, et que ceux qui m'ont regardé comme un homme méchant, brutal et cruel sachent que tout ce que j'ai fait n'était qu'une feinte préméditée, pour leur apprendre à choisir une épouse et à toi à l'être, afin de me procurer un repos solide tant que j'aurai à vivre avec toi. C'est surtout le trouble du ménage que je craignais en me mariant. J'ai fait la première épreuve de ta douceur par des invectives, des paroles injurieuses et piquantes. Tu n'y as répondu que par la patience. Tu n'as jamais contredit mes discours, ni censuré mes actions. Voilà ce qui m'assure le bonheur que j'attendais de toi. Je vais te rendre en une heure tout ce que je t'ai ôté en plusieurs et réparer par les plus tendres caresses mes mauvais traitements. Regarde donc avec joie cette fille que tu croyais devoir être mon épouse, comme ta fille est la mienne, et son frère comme notre véritable fils. Ce sont ceux que toi et beaucoup d'autres avaient si longtemps regardés comme les victimes de ma barbarie. Je suis ton mari, j'aime à te le répéter, et nul mari ne peut recevoir de sa femme autant de satisfaction que j'en reçois de toi. » Il l'embrassa ensuite tendrement et recueillit les larmes de joie qui coulaient de ses yeux. Ils se levèrent ensuite et allèrent embrasser leurs enfants. Tous les spectateurs furent agréablement surpris d'une révolution si peu attendue. Les dames s'étant levées à table avec empressement, conduisirent Griselidis dans un appartement, la dépouillèrent de ses habits, la revêtirent de ceux d'une grande dame. Elle reparut comme telle dans la salle de compagnie, car elle n'avait rien perdu de sa dignité et de son éclat sous les vieux haillons qui la couvraient. Elle fit 1000 caresses à son fils et à sa fille, et pour célébrer cette réunion, on prolongea les fêtes pendant plusieurs jours. On vit alors que le marquis avait agi avec sagesse, mais on avoua qu'il avait employé des moyens trop durs et trop violents pour parvenir à ses fins. On louait, sans restriction, la vertu et le courage de Griselidis. Le marquis, au comble de la joie, tira Jeannot, le père de sa femme, de son premier état, et lui donna de quoi finir honorablement ses jours. Après avoir richement marié sa fille, il vécut longtemps heureux avec Griselidis, et sut lui faire oublier les malheurs du passé par les charmes du présent. Conclusion de Boccace. Illustre dame, pour le plaisir de qui j'ai entrepris un si long ouvrage, prenez part à la joie que j'ai d'en être venu à bout. J'en remercie la Providence, qui par égard sans doute pour vos prières, beaucoup plus que pour mon mérite, m'a soutenu dans cette longue et pénible carrière. Après avoir d'abord remercié Dieu, et vous ensuite, il est temps que je donne du repos à ma main et à ma plume fatiguée. Mais il est bon auparavant de répondre d'avance à quelques observations critiques que vous pourriez me faire. Je sais que ces nouvelles ne doivent pas avoir plus de privilèges que tout autre ouvrage, et même moins, comme j'en suis convenu au commencement de la 4e journée. Quelques-unes d'entre vous diront peut-être que ces contes sont écrits avec trop de liberté et de franchise, que j'y fais dire, et plus souvent entendre, par des dames, des choses que des femmes honnêtes ne peuvent dire ni entendre. Voilà d'abord ce que je nie. Car je prétends qu'il n'y a rien de si déshonnête qui ne puisse être présenté d'une manière chaste. Or, c'est ce que je crois avoir fait. Mais je suppose que ces premières objections soient fondées. Je ne veux point plaider avec vous, je serais trop sûr de perdre. Je veux seulement vous proposer mes réponses. S'il y a dans mes écrits quelques endroits qui puissent faire rougir la pudeur, la nature des nouvelles l'exigeait, et tout homme de bon sens qui voudra les juger sans partialité conviendra qu'il n'était pas possible de leur donner une autre forme et de les raconter d'une autre manière sans les altérer. Quelques expressions gaies que les dévotes, qui pèsent plus les paroles que les choses et qui s'attachent plus à l'apparence qu'à la réalité, ont remarqué comme malsonnantes aux oreilles chastes, sont-elles plus malhonnêtes que tant d'autres, comme trous, chevilles, mortiers, pilons, andouilles, dont on se permet tous les jours l'usage sans aucun scrupule. D'ailleurs, doit-on accorder moins de licence à la plume du poète qu'au pinceau du peintre? Qui blâmera les nudités, les caprices de l'imagination dans celui-ci? Qu'il peigne Saint-Michel, une lance à la main, combattant le diable, ou Saint-Georges aux prises avec un dragon? Qu'il représente Adam et Ève dans l'état où ils étaient en sortant des mains du Créateur? Personne n'y trouve à redire. Au reste, ce n'est ni dans une église, où tout doit partir du cœur et être énoncé avec les paroles les plus rigoureuses, que ces nouvelles ont été contées. Ce n'est pas non plus dans les écoles de la jeunesse, où il ne doit pas régner moins de sévérité, qu'elles ont été débitées, mais dans les jardins, dans un lieu de plaisir, parmi les jeunes gens, et dans un temps où chacun pouvait courir partout les culottes sur la tête pour sauver sa vie. Ce qu'il y a de vrai, c'est que cet ouvrage peut être utile ou nuisible, selon la diverse trempe des esprits qui le liront. Qui ne sait que le vin, qui est une chose agréable et salutaire à tous les hommes, comme le disent du moins les buveurs, ne soit très pernicieux à ceux qui ont la fièvre? Dirons-nous pour cela qu'il est nuisible? Le feu porte partout le ravage de l'incendie. Nierons-nous pour cela son utilité? Parce que les armes sont meurtrières, conclurons-nous qu'il ne faut pas s'en servir? Ce n'est point par elles-mêmes qu'elles sont dangereuses, c'est par la méchanceté de ceux qui les portent. Ainsi, les paroles, indifférentes par elles-mêmes, ne peuvent être viciées que par ceux qui les entendent, et celles qui paraissent les plus libres ne le sont pas lorsqu'elles entrent dans un entendement bien disposé. Comme la fange qui couvre la terre ne peut obscurcir le soleil ou altérer la beauté des cieux. Il n'y a point de livre plus pur et plus saint que ceux de l'Écriture sainte. Cependant, n'y a-t-il pas eu des gens qui, pour les avoir mal interprétés, ont causé leur perte et celle de beaucoup d'autres? Chaque chose renferme en soi un germe d'utilité, mais ce germe peut être infecté et converti en poison. Il en est ainsi de mes nouvelles. Quiconque en voudra faire une mauvaise application en pourra tirer des conseils dangereux et des exemples pernicieux. Quiconque voudra faire le contraire le pourra aussi aisément. Mais elles ne produiront que de bons fruits si elles sont lues en lieu, en temps convenable et par les personnes pour qui elles ont été écrites. Quiconque leur préférera son bréviaire aura grande raison. Il peut rester tranquille et être persuadé qu'on ne courra pas après lui pour les lui faire lire. Mais quelques dévotes, qui, malgré l'austérité qu'elles affectent, ne laissent pas quelquefois de se dérider, me diront peut-être qu'il y a des nouvelles que j'aurais dû supprimer. J'en conviens. Mais je ne pourrais écrire que ce qu'on racontait, et celles qui racontaient, racontaient bien. Si j'avais changé quelque chose, j'aurais donc figuré le récit, en supposant même, ce qui n'est pas, que j'en sois l'inventeur et l'écrivain. Je ne rougirai pas d'avouer qu'il y en a de défectueuses, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui puisse donner la perfection à ses ouvrages. Charlemagne, qui le premier créa les paladins, n'en put composer une armée entière. Il y a dans tous les objets différentes qualités. Une terre, quelque bien cultivée qu'elle soit, produit toujours parmi les plantes utiles et salutaires quelques plantes parasites et nuisibles. D'ailleurs, puisqu'on s'entretenait avec des femmes, jeunes et simples, comme vous pouvez l'être, mesdames, n'eût-ce pas été une sottise de se tourmenter pour trouver des choses excellentes et pour mesurer toutes ces phrases? Au reste, ceux ou celles qui voudront lire des nouvelles ont la liberté du choix, qu'ils prennent celles qui leur plairont et laissent les autres de côté. J'ai mis en tête de chacune d'elles un titre qui indique leur objet. Je pense qu'on ne manquera pas de me dire qu'il y en a de trop longues. Je réponds encore une fois que quiconque a autre chose à faire serait un grand sot d'employer son temps à les lire, quand bien même elles seraient fort courtes. Quoiqu'il y ait déjà longtemps que j'ai commencé à les écrire, je n'ai cependant pas oublié que j'ai adressé mon travail aux personnes oisives. Quand on lit pour passer son temps, peut-il y avoir de lectures trop longues, puisque l'on remplit son objet ? Les ouvrages de peu d'étendue conviennent à ceux qui travaillent et étudient non pour passer le temps, mais pour l'employer à leur utilité, beaucoup plus qu'à vous, mesdames, qui n'avez d'autre occupation que celle que vous donnent les plaisirs de l'amour. Comme aucune de vous n'a étudié, ni à Athènes, ni à Bologne, ni à Paris, il n'est pas étonnant qu'on bavarde un peu plus longtemps avec vous qu'avec ceux qui ont exercé leur esprit dans les écoles. Quelques-unes me diront que j'ai mis trop de gaieté dans mes discours, et qu'il ne convient pas à un homme grave comme moi d'écrire de cette manière. Je dois rendre grâce à ces dames. C'est leur zèle pour ma réputation qui les fait parler ainsi. Cependant, je vais répondre à leur objection. J'avoue que j'ai du poids et que j'étais pesé quelquefois en ma vie. Mais j'assure celles qui ne m'ont pas pesé que je suis léger, et si léger, que je nage toujours sur l'eau sans aller au fond. D'un autre côté, considérant que les sermons de nos prédicateurs sont semés de railleries, de brocards, je n'ai pas craint de les imiter dans un ouvrage écrit pour prévenir les vapeurs des dames. Toutefois, si cela les divertit trop, n'ont-elles pas, pour se faire pleurer, les lamentations de Jérémie, la passion de notre Seigneur ou la pénitence de la Madeleine? Je m'attends qu'on dira que j'ai une langue méchante et venimeuse parce que je dis quelquefois la vérité aux moines. Je pardonne volontiers à celles qui me feront ce reproche parce que je présume qu'elles ne le font pas sans raison particulière. Les moines sont en effet de fort bonnes personnes qui, pour l'amour de Dieu, fuient le travail et la peine et rendent en secret de très importants services aux dames. Si tous ne sentaient pas un peu le bouquin, leur besogne serait beaucoup plus agréable. Je confesse cependant qu'il n'y a rien de stable ici-bas, que toutes les choses y sont dans une perpétuelle vicissitude. Ma langue pourrait bien avoir subi le sort commun. Qu'aucune de mes voisines m'ait dit naguère que j'avais la meilleure et la plus douce du monde et quand cela arriva, il ne me resta presque plus rien à écrire. Voilà toute ma réponse. Que chacun dise et croit maintenant tout ce qui lui plaira. Je me tais. Je remercie celui qui, par son secours, m'a soutenu dans mes travaux et m'a conduit heureusement à la fin que je m'étais proposée. Je le prie, aimable dame, qu'il vous tienne dans sa sainte grâce, et si vous avez eu quelque plaisir à la lecture de ces nouvelles, l'auteur se recommande à votre indulgence. Ainsi s'achève la 10e et dernière journée du Décaméron de Boccace.